lancer rêvent des jolies femmes qui s'ennuient tant de leurs amants. Même les plus dépourvus de charme se donnent à lui dans leur fantasme. Arsène Lapin, tu vaux rien, tu pourrais en laisser au copain. Sinon tu crèveras étouffé entre deux seins au petit matin. Quand il s'introduit dans leur lit, que crée leur oreille, il leur dit: vous permettez ma jolie dame. Elle s'écrie: oh, que gentleman. Arsène Lapin, si vaut rien, tu pourrais en laisser au copain. Sinon tu crèveras étouffé entre deux seins au petit matin. Un soir de mai, au clair de lune, une légère brise tombée des nues. Arsène lui rêvait de solitude quand elle suis apparu. Écoute-moi bien, petit mortel, elles te prennent peut-être pour un dieu, mais tu dois savoir qu'au royaume des cieux, y'a pas de place pour nous deux, pour nous deux. Qui vaut rien, tu pourrais en laisser un copain. Sinon tu crèveras étouffé entre deux seins au petit matin. Arsène Lapin qui vaut rien pourrait en laisser aux copains. Arsène Lapin qui vaut rien pourrait en laisser aux copains. Arsène Lapin qui vaut rien.